Ils sont venus après la guerre. Aujourd'hui voudrait graille quand y'avait air. On était peu, des terres de petit peu. Mes ennemis mangeront à la paille. Minuit j'envoie la paye. Détaille le cannabis, c'est juste à côté pour les cailles. Ressort hyperactif après avoir goûté les chantes. Je suis marié à la rue, je l'emmène pas dîner sur les champs. Je suis ganté, je laisse pas mes palus. Je nettoie les douilles et le fer. Combien dit ce vie, j'allume mes faut les couilles pour le faire. Les gens disent, je les écoute pas. Je finirai derrière la vie du j'ai coupable. Donne-moi le dernier faire que je mette un boulevard. 2h du mat, livraison pour les couches tard. Je vis la nuit parce qu'on va tous mourir un jour. Ma daronne m'a pas appris à attendre l'audio. Ton pull fini taché. Encore histoire de cash, retrouver l'étage où tu te caches. On viendra où tu crèches. J'écoute pas les bruits de couloir, les paroles des RSS. Ça soulève des tonnes de pylons sans avoir permis KSS. Beaucoup de cassos, dans ma zone beaucoup de pertes. Beaucoup de darons qui doivent élever leur gosse en père. Les gens disent, je les écoute pas. Je finirai derrière la vie du j'ai coupable. Donne-moi le dernier faire que je mette un boulevard. 2h du mat, livraison pour les couches tard. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Je mettrai ma bite dans la bouche des commères. J'en qu'est-ce que billets de sang couleur homère. Si je réussis dans ma tête, j'aurai l'honneur. Au départ, j'étais mal aimé. Toujours pas le salaire de Neymar. J'ai besoin d'une mensualité. Les gens disent, je les écoute pas. Je finirai derrière la vie du j'ai coupable. Donne-moi le dernier faire que je mette un boulevard. 2h du mat, livraison pour les couches tard. Les gens disent, je les écoute pas. Je finirai derrière la vie du j'ai coupable. Donne-moi le dernier faire que je mette un boulevard. 2h du mat, livraison pour les couches tard. J'étais mal aimé, j'ai toujours pas le salaire de Neymar. J'ai besoin d'une mensualité.